prise d'otage mentale. J'te parle pas de braco, j'vais prouver que j'suis pas vénal. Donc pas de négociateur en mode cocaïne. J'parle des zéros et des héroïnes. Prends ça dans le sens que tu veux, j'suis pas là pour faire des envieux. Ces pseudo-conquérants qui se mettent sur le toit du monde, pour moi qui sont des chiens errants. Vas-y, n'oublie pas de faire ta ronde dans ce monde trop jaloux et d'hypocrite. Pas mal de toi sans honte qui défonçait la tête même avec un cri. Ma technique qui met tout cela de côté. S'il y a quelque chose que je revendique, prends soin de ton amitié envers les gens que t'aimes, qui feront un crime pour toi, qui prennent des risques. Et même du moment que tu le feras pour moi, ça prendra peut-être des mois pour que tu me prouves cela. Et gardez ça dans vos mémoires. Et ce jour-là, tu seras pas seul là. Et pas mal accompagné sur les vrais, faut miser. ABI, trop gagné. Donne pas trop de confiance, tu finiras atomisé. J'avoue, je suis sombre, mais il me reste un côté de magie. Des galères, j'en ai bon nombre. Eh ouais, ça c'est du Najib. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça se tue pour de la paille. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça fume toute la night. 19 printemps et je vis mes premières années de conscience. Je me rends compte de la chance que j'ai et que je balance. Au fond de mes shots, à m'en irriter la glotte. Je trotte sur le globe en ignorant tout ce qui m'englobe. Je porte ma parole comme le guerrier porte son étendard. Ça dégringole, je sature, mais j'étends mon art. Je suis parfois blafard au constat de mes échecs. Je fais souvent le crevard quand il s'agit d'être honnête. Et ça me peine plus que quiconque quand je fais le compte. Je fais le conche sombre et trop souvent je me trompe. À propos des propos tenus par certains, tu m'as dit faut mettre de l'eau dans son vin, c'est certain. Tu veux du son, je vais trouver le moyen de te mettre bien. Je fais du rap médical, moi y'a que ça qui me fait du bien. Je calme mes nerfs sur fond sonore, laisse parler l'inspi. Je me confie à ma plume, elle fait office. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça se tue pour de la braille. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça fume toute la night. L'underground m'a tendu la main. Note ça et dealer, que je veux pas de mal. Entendu m'amène, Nupside, les quais et dealer de son. T'as entendu m'amène, j'suis trop tour parce que le son des mal entendu m'amène. Un mec solide comme Snake, mais j'ai des carences que je cache comme si c'était une maladie. J'suis pas un smic, mais j'suis ce mec a du mal à se confier, même quand j'parle à maladie. Yeah. C'est la guerre, mais j'veux la paix comme Martin Luther. Putain, j'crois que chez moi c'est maladie. J'combats mes peurs et mes faiblesses. Quand le matin je lutte, j'ai du mal à faire la diff entre meuf bien et grosse pute, entre vrai et faux, entre mec fiable et mec fusé, entre bien et mal, entre mec droit et grosse rave, entre vrai gars et vrai pute. Y'a plus de repères, tous en mode nique sa mère. Tout est faussé, car ici c'est la merde. Dans la tête des jeunes toujours défoncés. Les petits sortent trop et les petites font trouer. Quand elles mettent des beat up, moi je sors du taf. Quand les trips sortent le tool, c'est pas la guerre mais c'est la merde. Comme dit les tishbakes, je représente comme un deck sur les tiches. Papé, t'inquiète pas si les petites sortent ou si les petits sortent des scuds. Miskin leur flop, de voir mon CD à la FNAC comme un scud. Missile, nique le flop. Si tu me clashes, réponds. Si tu vends des disques et que ça fait monter mon buzz, j'fous le bull dans mes disques. Et tu kiffes ça comme la montée de ta bœuf. À moi tout seul, j'suis une drogue dans tes oreilles. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien à part kiffer avec tes oreilles. Yeah, Nupside 2009. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça se tue pour de la braille. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça fume toute la night. Fais tourner speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça se tue pour de la vaille. Tournez speed. Quand on débarque, c'est pour l'équipe. Bouge la tête, allume ton stick. On vient pas rapper pour les chics. On est présent depuis toujours, même si toi tu nous vois pas. On vient de ces coins pourris, là où ça fume toute la night.